Hello tout le monde, ici Grushkov pour une petite news vite fait avant l'émission. Ce mercredi, le 12 juin 2024, sort à 21h une émission spéciale diffusée uniquement sur YouTube. Ça s'appelle Alors en fait, et voici pour vous un extrait. Le personnage d'Anakin Skywalker, plus connu sous le nom de Dark Vador, est apparu dans tous les films de la saga principale à l'exception de The Force Awakens et The Last Jedi. Au long des 6 premiers films, il est interprété par pas moins de 4 acteurs, Jack Lloyd, Hayden Christensen, James Earl Jones et David Prowse. tu qui Alors en fait, il est pas dans, Rise of Skywalker. Si. Oh, il est juste sa voix. Oui. Ouais, ça compte, hein. Et il y a la voix, il y a la voix de Dark Vador et la voix de Anakin dans Rise of Skywalker. Ah. Adrien. Alors en fait, il est interprété par plus de 4 acteurs. Je sais pas, avec les doubleurs et tout ça. À moins que quelqu'un puisse. Attends, est-ce que t'as dit. À moins que quelqu'un puisse être plus précis, je vais te donner le point. Je sais pas si t'as dit alors en fait, mais je crois que oui. Ah si, si, attends. Vas-y, Adrien. Alors je sais plus son nom. Mais alors en fait, je sais plus son nom, mais à la fin de l'épisode 6, il est joué par l'acteur qui a été changé du coup depuis dans les éditions spéciales des années 90, où c'est plus le même acteur et c'est plus du coup lui, mais maintenant c'est Hayden Christensen. Mais je sais plus comment il s'appelle son nom. Le fantôme de force à la fin. Ok, je vais donner le point à Adrien. Absolument, dans les films il y avait aussi Sebastian Shaw qui apparaissait aussi quand Luke retire son casque à la fin. Il est toujours là, ils lui ont juste retiré ses sourcils, mais c'est toujours lui à la fin. Et effectivement, c'était c'est vrai. Ouais. Il est dans le il a été remplacé en tant que complètement, enfin pas son corps. Mais sa tête a été remplacée en tant que fantôme de force, mais elle est toujours là quand Luke retire son masque alors qu'il est en train de mourir. L'épisode sera diffusé en première sur la chaîne YouTube de Faucon Millenial. Vous pouvez d'ores et déjà aller sur la vidéo et demander à YouTube de vous prévenir quand ça commencera. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres, et bienvenue dans Les Compères, l'émission de Faucon Millenial où on review les épisodes de la série The Acolyte. Je suis Grushkov, mais vous pouvez m'appeler Maître, et je serai accompagné aujourd'hui de mon petit compère Adrien. Ça va, Adrien ? Bravo les lesbiennes. Ok, comment s'est passée ta dernière Bravo mission ? Bravo les lesbiennes. Comment ? Comment s'est passée ta dernière mission ? Ma foi, très très bonne, c'est faux. Envie de me buter. Coucou tout le monde. Super. Oh, quelle bonne façon de commencer. Du coup, aujourd'hui, nous allons nous attaquer aux deux premiers épisodes qui nous ont servi d'introduction à la série. Lost Found, écrit et réalisé par Leslie Headland. Et Revenge Justice, écrit par Jason Michaeliff. Et Charmaine the Great est réalisé par Leslie Headland de même. Alors, mon cher compère, sans spoilers, alors, est-ce que tu peux me dire ce que pensé de ces deux épisodes ? Attends, mon gros coffre, on va commencer simplement, doucement. Je préchote qu'il y aura un épisode qui s'appellera Light Dark. Voilà. Ah. Je le dis. C'est impossible. Comment voilà. Non mais voilà. Je vois les choses avant qu'elles se produisent. Voilà, voilà, c'est tout. Moi, je peux repartir. Salut. Vas-y. Du coup, je disais du coup sans spoiler, qu'est-ce que tu as pensé de ces deux épisodes, mon cher Adrien ? Ah, moi c'est mon kiff total, c'est mon kiff total. C'est, je vais pas spoiler, mais c'est un putain de thriller avec du kung-fu avec des Jedi. Forcément que je kiffe. forcément que c'est... il a écrit mon nom sur les épisodes et que j'ai déjà envie de faire un câlin à tous les personnages de la série et leur dire que tout ira bien et tout se passera bien. Forcément, c'est ma cam. Forcément et vraiment genre ah, je suis ultra excité par la suite et vraiment oh, j'ai trop aimé. Ça fait du bien d'avoir une histoire Star Wars loin de la saga Skywalker, et c'est la première fois que ça arrive, putain de merde. La première fois. En live, j'entends. En live action, oui, tout à fait. Oui, c'est un peu différent, hein, les univers live action et animé parfois. Et toi alors? C'est un bon début. J'attendais énormément la sortie parce que, pour toutes les raisons, voilà, c'était quelque chose de très nouveau et tout. En fait, ça répondait un peu à tout ce qu'on voulait un peu changer des autres séries. Et pas forcément Andor, mais les séries où, par exemple, on avait besoin d'une writer's room, les séries où on avait besoin d'un peu plus de diversité, que ce soit dans le cast et derrière la caméra. Et du coup, ça cochait un peu toutes les cases. Oh là là, j'ai du mal, c'est ça. Et c'était très bien. C'était très bien mené. Et à part de très petites choses que je trouve étranges, qui je trouve gâchent un peu l'expérience, parce que c'est ce qui se passe à la fin de chaque épisode. Et du coup, c'est le dernier truc que tu as avant que ça s'arrête. C'est très très très bien. Et je pense que c'est d'autant plus bien quand tu es comme nous et que tu connais beaucoup la Haute République, même si ça se passe pas au même moment. Et d'ailleurs, quelques trucs sont assez intéressants par rapport à ça, justement, je trouve. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Il y a un peu ce qui manquait un peu partout, en fait. C'est exactement ce que je disais. Il y a la gravité qui manque parfois au Mando. Et il y a la goofiness qui manque parfois à Andor. Ouais, c'est vrai. Ouais, t'as raison. Ouais. Ils ont clairement fait la série pour moi. C'est goofy même, quand même, Andor. Hein. Je pense qu'il faudrait qu'on en parle un jour. Andor, c'est quand même très goofy. Il y a quelques passages, les rares fois où il y a des aliens, ça l'est. Mais c'est pas souvent. Ouais. Justement, ça manquait beaucoup. Alors que là... Ouais, c'est vrai. Là, on en a à foison. D'ailleurs, en parlant d'aliens, on a été gâtés aussi. Hein. On a plein. C'est ce que je viens de dire, oui. Ouais, mais je pensais que tu parlais de goofiness. Non, je parlais des aliens, pardon. D'accord, ok. Très bien. Ok. Non, mais c'est voilà. Vraiment, je le dis vraiment, je vais être insupportable ces deux prochains mois. Je m'excuse à tous les auditeuristes parce que vraiment, j'aime vraiment beaucoup trop cette série. Adrien va être insupportable. Et ce qu'elle nous propose pour l'instant, mais encore plus que d'habitude, je veux dire. Et vraiment, je trouve ça. Enfin, moi, je trouve ça tellement rafraîchissant. Je trouve ça tellement drôle, tellement cool, tellement. Et putain, c'est des Jedi, quoi. C'est trop cool. C'est trop cool. Et ces Jedi, ils sont nuls à chier. C'est des vrais Jedi, quoi. C'est trop bien. Tu te souviens quand on avait plein le cul des Jedi? Ah, mais je te jure. Mais en fait, vraiment, je pense que j'ai eu une phase après TLJ où vraiment, j'en pouvais plus des Jedi. Parce que, genre, Rian Johnson, il m'avait bien montré que. En fait, regarde, les Jedi, c'est des gros cons. Et ils sont nuls, et c'est à cause de tout ça. Et ça m'a vraiment fait du bien à l'époque. Vraiment, j'étais là en mode, ah putain, ouais, en fait, il a raison, Rian Johnson, depuis le début, les Jedi, c'est des blaireaux. Et en fait, c'est pas ça qu'il veut dire, mais dans ma tête, c'était un peu... J'avais pris comme ça, et ce qui était bien, parce que du coup, c'était un peu une self-reflection, et justement, à la fin du 8, c'est plus des gros nuls, les Jedi. Et en fait, justement, cette refascination que j'ai développée avec la High Republic pour les Jedi, parce que moi les Jedi quand j'étais petit c'était ça Star Wars, c'était pas des vaisseaux, c'était pas des droïdes, c'était vraiment les sabres laser et les Jedi, quoi. C'est ça qui était trop cool dans Star Wars, et du coup je suis en train de réapprendre à réaimer les Jedi et c'est trop bien, j'adore, c'est trop cool. Et là on a une série sur les Jedi, putain de merde. Ouais c'est vrai que c'est la première série. Ah non, pardon, j'ai rien dit, c'est pas la première série avec les Jedi. La première bonne série. Non, mais j'avais littéralement oublié, pardon. C'est la première série avec plein de Jedi comme personnages principaux, quoi. C'est principalement eux. Ok, très bien. Et quel Jedi ? Oh là là là ! Vite fait, avant qu'on passe en zone spoiler, on a eu un article de Variety qui est sorti le 6 juin, donc c'était jeudi. Jeudi, la série est sortie mercredi. Et donc cet article nous dit que The Acolyte est le meilleur démarrage de Disney+, en 2024. Donc c'est pas très étonnant en vérité. Mais il n'empêche que les gens qui viennent te dire que go woke, go broke, encore une fois, ils disent de la merde parce que les chiffres parlent et c'est une série qui, pour l'instant, a très bien démarré. Bon, du coup, je suppose que ça va être comme Willow et la série va être effacée de la plateforme. Voilà, elle sera supprimée dans 6 mois. Dans 6 mois, c'est fini. Ça. Maintenant, si vous ne voulez pas de spoiler, vous pouvez désormais quitter cet épisode. Nous allons aller un peu plus en détail sur ce qui nous a marqué dans ce début de saison très prometteur. Alors, vous êtes prêts ? 3, 2, 1... Zone spoiler. Magnifique. Voilà. Et du coup, un peu comme dans nos reviews du Mandalorian, on va suivre la trame des épisodes et commenter au fur et à mesure. Moi, je fais pas des résumés, je ne suis pas Adrien, je j'ai pas ce temps. Je sais même pas comment il le trouve lui-même d'ailleurs. je ne sais pas. Tu vois, maintenant, après coup, je ne comprends pas comment j'ai fait. Ah oui, non, on a bien vu sur la fin. Ça me prenait beaucoup trop de temps, les résumés. Je t'ai vu, même s'ils étaient écrits avec le cul, hein. Ils étaient écrits avec le cul, mais ça me prenait du temps. Et du coup, on commence sur la planète Ueda. Avec une femme à la recherche du Jedi local et qui va la trouver dans un bar, cantina, machin truc, taverne, les tavernes locales. Et ils font la bagarre. Oh là là là là, et quelle bagarre! Le Jedi finit par mourir et la scène s'arrête, se termine lorsque cet assassin, après avoir tué le Jedi, ne tue pas le patron du bar. Parce qu'il a un bébé. Ou, en tout cas, par compassion en général. Peut-être. Qu'on soit d'accord. Est-ce que je peux le name ou je peux le name drop ce personnage-là? Non, mais là, c'est ou pas bon, let's go, on est en zone spoiler. Voilà. On est en zone spoiler. Qu'on soit d'accord. J'en fais le serment. Mais... did nothing wrong. Voilà, c'est tout. Et je me prendrai une balle pour elle. Ne t'inquiète pas, personne n'est... C'est tout. Personne ici n'aurait pensé autrement. Ne t'en fais pas. Non, mais elle est trop gentille. Elle est trop gentille. Elle vient d'assassiner une Jedi. Mais tu sens qu'elle est cool. Et moi, j'aime bien les persos cool comme ça. Les persos de méchants. Mais en même temps, est-ce que les gentils, c'est pas un peu les méchants de base? Quoi? Et j'aime bien, voilà. Non, mais non, parce que, voilà, on n'en est pas encore là dans notre fil, mais on sait très bien que Master Indara et compagnie, ils ont fait des conneries 10 ans avant. Donc, c'est ça qui est intéressant. Oui, et du coup, voilà, on commence avec, évidemment, Trinity. notre cher Carrie-Anne Moss, qui... du coup, et Master Indara, et se bat contre Mae, l'assassin, Mae, l'assassin. Et quelques petits trucs intéressants, par exemple, la justification du Kung-Fu dans la série, tout en donnant une nouvelle, une nouvelle dynamique, une nouvelle... je n'arrive pas à trouver mon mot... une nouvelle dimension, pardon, au Jedi, avec cette règle un petit peu les Jedi n'attaquent pas avec leur sabre laser, excepté en cas de, comment dire, en cas d'extrême besoin. Ouais, quoi. Ouais, voilà, en gros, elle lui dit tu dégaines pas ton sabre, si tu dégaines ton sabre, c'est que t'es prêt à tuer, quoi. Voilà, c'est ça. Et... ouais. Évidemment, du coup, premier clou, premier indice par rapport à ce qui s'est passé, May qui est vraiment déjà pleine d'émotions, hein, qui est sur le point de chialer déjà. Il dit ouais. Si vous le faites, vous attaquez les innocents sans vergogne. Adrien. Ouais, non mais. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette bagarre, scène-là... de toute la scène en général? Elle est trop bien, mais en fait, elle fait partie des éléments qui font que je trouve cette série rafraîchissante. C'est que les chorégraphies, elles sont trop bien, et cette bagarre-là, genre, t'as beau avoir très peu de sabres laser, même quasiment pas, ça reste un combat mais tellement stylé, quoi. Et ça, tu vois, quand May commence à utiliser la force, qu'elle pousse Indara, qu'elle récupère ses kunai avec la force, enfin, c'est tellement stylé, quoi. C'est tellement bien, c'est tellement intelligent, même. C'est tellement... Enfin, je sais pas, un truc comme ça, on en a tous rêvé dans Star Wars, des combats où, genre, les mecs utilisent la force, pas forcément avec des sabres laser, tu vois. Et c'est tellement classe. Genre, vraiment, c'est trop cool. Et puis même, enfin, May, elle me fait trop rire, parce que May, elle est nulle, un peu, Elle est pas, est clairement pas au niveau. Et du coup, genre, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais dès qu'elle croise quelqu'un qu'il faut qu'elle tue, elle fait sa petite danse, sa petite pose. Ouais. Où c'est genre, elle se penche, elle lève le bras, en mode, c'est vraiment la ninja, Inigo, quoi. Genre, Montoya. Je suis prêt à te tuer, tu vois. C'est, j'aime beaucoup ce personnage de May. Et puis, et en même temps, elle sait un peu se battre quand même. Et puis, les chorégraphies, elles sont trop bien. Et les actrices, rien que dans cette scène-là, elles donnent tout, quoi. Carrie-Anne Moss, elle est trop contente d'être là, quoi. Elle joue à fond quand, tu sais, au début, elle est assise, genre, elle regarde, tu sais, la gamine d'un coin de l'œil en mode, qu'est-ce qu'elle me veut, cette petite, là? Et puis qu'elle commence à se lever en mode, genre, c'est bon, là, on fait la bagarre. C'est tellement classe, c'est tellement bien. Elle lui laisse quand même. Cette femme pète le charisme. Elle lui laisse quand même le temps de déglinguer tous les gars autour de la table. Ouais, mais tu vois, elle les a pas tués. Non, non, non, mais c'est rigolo. Bon, ouais. Maintenant que tu les as tous su, je suppose que je vais m'occuper de toi. Non, mais justement, elle lui dit genre concrètement, enough, quoi, c'est bon, je me lève et on fait la bagarre. Mais laisse les gens partir. Et elle est tellement cool, c'est vraiment, tu sais, genre la Jedi tellement respectée, tellement, tu sais, qui traîne avec une bande de poivreaux parce que voilà, elle fait ses affaires et que c'est un peu devenu une pilier de bar, mais ah, j'aime trop, je l'aime vraiment trop. Et Master Indara, giga charismatique. Ouais. Et du coup, à la fin, May est obligée d'utiliser une faiblesse de Jedi et de lancer son kunai sur le patron du bar pour distraire Indara et pouvoir faire le killing blow. Ce qui est bien, parce que voilà, quand t'es pas au niveau, faut trouver des alternatives. Et ça, c'est un petit truc que j'aime bien, hein, dans ces deux premiers épisodes, et je suppose ça va continuer dans la suite. Ce petit côté, bon, faut que je trouve un autre moyen de le faire que de foncer tête baissée. À chaque fois, elle va foncer tête baissée d'abord, mais elle est capable de revoir son plan et de s'adapter. En tout cas, voilà, jusqu'ici. Ouais, et surtout, la manière dont les deux Jedi qu'on voit, la manière dont il meurt, ça, en fait, c'est trop bien, parce que du coup, elle exploite les faiblesses des Jedi. La compassion, la culpabilité, tu vois, c'est trop cool, c'est trop, trop bien. Oui. D'ailleurs, c'est moi, pas, genre, je dirais les a battus, même que c'est un peu dur de dire qu'elle a tué le deuxième Master Torbin. Parce que, techniquement, elle lui a juste donné une fiole. Il n'avait pas à la boire, mais il l'a fait. Elle lui a donné un choix. Il attendait que ça. Ouais. Elle lui a donné un choix de dire ce qui s'était passé et d'avouer ses conneries. Ouais. Bah, on y reviendra. Pardon. On y reviendra, mais en tout cas, il attendait que ça. C'est ça qui est trop marrant. Ensuite, on a donc la scène avec... Maé qui se réveille. Ou... Ça. Oh, is it? Et voilà, Osha qui se réveille. Osha qui est une mec-neck. Ouais, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais écoute. Moi j'aime bien quand Star Wars invente des mots. Ouais, mais c'est cool. Il y a déjà eu des personnes qui faisaient ce job-là avant et ils ont jamais dit ça, c'est ça le truc. Je suis ok pour inventer des mots, mais c'est trop chelou. Pourquoi maintenant on décide Mais dans de cette période, on n'a pas vu des comme ça. Bon, techniquement, on a des gens qui s'en rapprochent un peu. Aborder. Ouais, en tout cas, c'est cool. Mais ouais, c'est rigolo. c'est random. Ouais, moi j'aime bien. J'aime bien. Et puis du coup, on voit aussi son petit robot qui est trop mignon. Pip. Comment il s'appelle déjà ? Pip. Pip. Ouais. Qui est une calculatrice, comme on l'a appelé lors du watch. Oui, c'était une trouvaille de code à l'œil. C'est ça. Et qui est aussi calculatrice, mais qui est aussi. Elle peut s'en servir comme une espèce de spray. Tu peux tout faire avec ton pipe. C'est trop bien. Moi, j'en veux un pipe. Ouais, mais toi, tu veux tout. Toi, tu veux tous les trucs. Est-ce que t'as reçu ton Lola déjà ? C'est vrai. Adrien ne se souvient même plus qui c'est Lola. Non, mais je l'attends encore. Et on voit aussi les Némoïdiens, putain. Oui, il y a des Némoïdiens, ils sont toujours aussi merdiques. Ils ont plus d'accent raciste. Oh là là. Ils ont quand même un bout de truc. Hein. Ils ont un bout de truc, mais ouais, ils ont essayé de faire en sorte que ce soit pas raciste. Ouais. Accent indéfini. Ouais, c'est ça, ouais. Ce qui est peut-être pas plus mal. Hein. J'aime beaucoup la menace fantôme, mais il y a plein de choses qui heureusement ne se feraient plus aujourd'hui. Ouais, il a un peu déconné Jean Fulcas à l'époque. Ouais, ouais. Le petit Jean Fulcas, il a pété un plomb. Ouais. Pardon, on dit Jean Fulcas parce que la dernière fois, j'ai vu un bout de vidéo qui avait des sous-titres automatiques par Patreon. Vous pouvez nous rejoindre sur Patreon. Et quand on disait George Lucas, ça mettait Jean Fulcas comme sous-titre. Donc voilà. Ah, c'est son nom, c'est canon maintenant. Et du coup, Osha, pendant qu'elle fait ses réparations, il y a une petite, un petit truc qui va pas et il y a du feu. Alors, tu sais quoi, j'y avais même pas pensé. Et puis, j'ai passé 20 secondes sur Twitter et j'ai vu que ça pétait un câble parce qu'il y a du feu dans l'espace dans Star Wars, tu sais, parce que c'est jamais arrivé avant. Oh non, mais... Mais ils ont vraiment trouvé le moyen de gueuler là-dessus, sérieusement. Bah, bien sûr, j'avais même pas fait gaffe, tellement l'habitude de pas faire attention à ce genre de trucs dans Star Wars. C'est fascinant. Et ça la trigger. J'entends des cris, du bois qui brûle en fond et tout ça. Et juste pour finir cette petite séquence, on voit Adrien arriver. On voit un Vector, la putain de sa race, on voit un Vector. On voit un Vector, les fameux vaisseaux de Jedi de la Haute République que vous pouvez retrouver dans les livres. Et je crois, je ne me souviens plus exactement, mais je crois aussi dans Young Jedi Adventures, faudrait que je revoie. Oui, je crois qu'on en voit. J'ai pas tout vu, mais il me semble qu'on en voit. Et du coup, ce sont Yord Fandar et sa padawan Tazilowa qui arrivent pour parler à Osha. Parce que... Et... Oh là là. Vas-y. Tu peux en parler. Non, mais c'est juste moi qui vais faire, ça n'a aucun intérêt. Mais il est vraiment, vraiment trop beau, Charlie Barnett. De base, il est beau, mais alors en Yord, mais putain, bordel. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Qu'est-ce qu'il est beau! Et en plus, il est con comme un manche à balai, donc c'est encore plus nul. Heureusement pour lui qu'il est beau. Le perso est trop nul. Le perso est trop nul, genre, il arrive, vraiment, quand Osha, elle arrive dans sa chambre, et qu'elle voit Yord qui est assis sur son lit, mais qu'est-ce qu'il fait, là? Mec, t'es un Jedi, lève-toi! Lève-toi! Et puis, elle qui encore met une couche, ah putain, t'es chevalier maintenant, je pensais que ça allait jamais arriver, bravo! C'est trop drôle. Ça fait que 2 ans, c'est d'ailleurs, j'ai regardé Charlie Barnett, il y a 36 ans, mais c'est... J'espère que Yord a 36 ans aussi, parce que ça rend le truc encore plus triste. Le mec a été padawan jusqu'à 34 ans. Le mec, il a redoublé 17 fois. Quoi. C'est trop bien. C'est ça. Oh, c'est terrible. Mais alors... Et du coup, attends, est-ce qu'on peut parler un peu de Tassie? Tassie Lewa, qui... Alors, trop bizarre. Bah, je pensais pas qu'il allait avoir une padawan en étant que chevalier, parce que c'est assez rare, les chevaliers qui ont des padawan. Et surtout, on la revoit pas. Oui, c'est bizarre qu'on la voit pas, et c'est... Bon, après, c'est pas rare hein, que des maîtres aillent en mission sans leur padawan, mais... Mais c'est pas, ouais, c'est pas un maître, un truc, bon, c'est un chevalier. Oui, mais c'est son maître, à elle. Oui, ouais, voilà, ouais. Ouais, ouais. Et c'est une Zygerienne un peu étrange. Je pense que 100%, je pense que c'est une Zygerienne mélangée à... Enfin, mélangée. Hybridée, je sais pas si on peut dire ce mot, c'est un peu, wow. Un peu bizarre. Mais, c'est une Zygerienne hybride avec une Zabrak, 100%. Bah, on dirait, elle a des marques sur le front, elle a les cornes. Ouais. Des petites cornes tic-tic-tic. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les Zygériens, et, parce que j'adore l'esclavagisme. Et, je rigole, c'est une blague. Et, je meurs. Voilà, et tu supprimeras ça au montage. Et, c'est et en fait, c'est cool d'avoir un live action. Je pense pas qu'on avait déjà vu les Zygériens avant. Ah bah, pas en live action, non, certainement pas. Non, hein. Ouais, ouais. Et encore moins des hybrides, du coup, parce qu'on n'en avait pas beaucoup vu. Même de manière générale, pas forcément qu'on avait Action, mais de manière générale, dans Star Wars, les hybrides d'extraterrestres, on n'en voit pas souvent. Forcément, on pense à Jason, mais qui finalement est plus un humain qu'autre chose. Il n'y a que toi qui penses à lui. Hein. Mais ouais, j'aime bien Jason, voilà. Mais même si on voit très peu dans Rebels. Seule scène. Mais même le fait de me dire que. Écoute, le fait de me dire que il a eu un enfant, Kanan, moi ça me rend heureux. Voilà, c'est tout. Et il m'en faut peu, mais j'aime bien. Et on n'en voit pas du coup des hybrides. Et là, je trouve ça cool qu'on en ait une. Et vraiment, voilà, Tassi Dowa. J'espère qu'on te reverra parce que tu parais être très cool et peut-être même plus aguerri que ton maître. Peut-être. Ouais. Bon, on verra. Je pense qu'il y a quand même la possibilité de grandir un peu, hein, je pense. Mais du coup, ils sont là parce que, évidemment, Osha a exactement la même tête que Mae, hein, que Mae, je ne sais pas comment ils le disent en français. Que Mae. Donc, évidemment, ils sont là pour la récupérer. Et d'ailleurs, avec eux, ils ramènent le barman, hein, qui est là pour dire « Oui, c'est elle !» Imagine si c'était pas elle, comment ils auraient eu l'air con de ramener le barman jusqu'ici. Oh, c'est clair, putain. Très chelou, mais bon, écoute, les Jedi font pas les choses à moitié. Mais bon, voilà. Vraiment, je suis désolé, mais là, j'ai la scène sous les yeux, et quand Osha rentre dans sa chambre et que Yord se lève, et, tu sais, il remet sa cape dans son dos. Regardez la scène chez vous, s'il vous plaît. Et il est ridicule, c'est trop marrant. Il est à la tête en mode « Oh, je suis un Jedi ». C'est trop marrant, c'est trop, trop marrant. C'est trop drôle, j'adore ce perso. Et du coup Mae est emmenée avec eux. Enfin, non, pas avec eux, mais elle est mise dans un petit cargo prison. Osha, oui, Osha. Pardon. Osha. Bon, t'inquiète, ça va beaucoup arriver. Hein. Ça va beaucoup arriver. Donc, donc soyez prêts. Et les petits cargos prison qui se dirige vers Coruscant, évidemment. Sur Coruscant. Et on voit. Attends, on voit une bestiole. Une bestiole. C'est avant, non? Ouais, t'as raison. D'abord, on va sur Coruscant. Sur Coruscant. Et qui est-ce qu'on voit, Adrien? Ouais. Oh, attends, bah, tu vas me faire dire ça à tous les nouveaux personnages, tous les Master Sol. Écoute, on voit Master Sol. Oui, Better Call Sol, qui est interprété du coup par Lee Seung-jae, qui a été le personnage qui était le personnage principal de Squid Game. Vous vous souvenez Squid Game? Je dis ça à chaque fois, comme si personne s'en souvenait. Et je tiens à le rappeler parce que moi je trouve ça vraiment, vraiment cool. Il ne parlait pas du tout anglais avant de faire ce rôle. Il a appris, il a pris des coachs et tout pour pouvoir le faire. Et je trouve que c'est quand même un des meilleurs acteurs de la série. Ah ouais, si, non, des fois, ouais, tu entends qu'il patine un peu des fois, il comprend pas tout ce qu'il dit. Mais. Ouais, je pense que. Ouais. L'intention est là, et j'ai trouvé ça vraiment très impressionnant pour le coup, comme quoi. L'acting n'a pas de barrière. Ouais, non, c'est vrai, c'est beau. Non, mais en vrai, il est trop fort et. Et vraiment, ouais, je conseille à tout le monde, enfin pas tout le monde, je conseille aux esprits, aux gens qui n'ont pas trop peur de la violence ou quoi, à Squid Game, parce que dedans il est super fort. Et là, vraiment, de le voir dans The Acolyte, ça conforte ce que je pensais dans Squid Game, c'est un putain de bon acteur. Et même quand il dit des trucs qu'il comprend pas, il arrive à être bon. Il est impressionnant. C'est incroyable. Ouais, j'ai vraiment trouvé ça très fou. C'est vraiment fou. Ouais, et surtout, en fait, c'est même pas si mal c'est même pas si mal en fait qui parle pas anglais, dans le sens où en fait ça permet d'entendre d'autres accents, tu vois, parce qu'il a un accent quand il parle anglais. Oui, totalement. Et c'est cool, c'est important que dans Star Wars on se rende compte que voilà, tel personnage asiatique parle avec un accent, parce que pourquoi pas, c'est la vraie vie en fait, les gens ils parlent avec différents accents dans le monde réel, pourquoi pas dans Star Wars, et c'est cool, c'est important. Oui, ils sont pas tous un accent soit anglais soit américain soit raciste. Ouais, c'est ça. Soit raciste, les trois types d'accent. Anglais, américain ou raciste. C'est tout ce que t'as. Évidemment, il y a un autre maître qui vient lui parler, justement, parce que son. Pour l'informer que son ancienne padawan, Osha, qui a du coup quitté l'ordre. Ça, c'est établi dans la scène d'avant avec Yord, évidemment, c'est une ancienne Jedi, et qu'elle a quitté l'ordre d'elle-même. Et Maître Vernestra Rowe vient informer le Maître Sol que Osha vient d'être arrêté pour le meurtre de Maître Indara. C'est trop bien de voir Vernestra en live action. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce qu'elle disait? Elle est trop à fond. Elle est stylée de ouf. Après, ouais, en gros, elle dit qu'il faut se méfier et tout ça, parce qu'elle n'est pas au courant de tout ça. Et c'est vrai qu'elle a ce rôle, je pense, de perso qui va être un petit peu... comment ? Un petit peu... Je pense que ça va être peut-être la garante du conseil, ou en tout cas la figure d'autorité. Oui, clairement. Au niveau des Jedi. C'était ce que je pensais, oui, la série. On l'avait vu quand ils avaient dit qu'elle serait là. Ouais. C'était le rôle que je pensais, mais... Comment dire ? Je pensais pas que sa principale préoccupation serait la politique, on va dire. Ouais. Ouais, c'est parce qu'elle dit bien, faut pas que ça se sache de trop, Enfin, ça, c'est pas... Et en même temps, on peut la comprendre, hein, qu'elle veuille pas que ça se sache, hein, parce que... Bon... Des dramas dans l'ordre de Jedi, on en a déjà vu dans Star Wars, et ça finit pas très bien pour les Jedi. Donc, mais tu vois, déjà, au final, à l'époque, je peux comprendre. Déjà à l'époque, hein, la politique est un peu Il trop méfie, importante ouais. pour eux. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant de ce point de vue-là, en fait. En termes historiques, dans le lore, j'entends, dans l'histoire, dans l'univers, comment est-ce que justement les Jedi, tu sais, cohabitent avec les pouvoirs en place. Et c'est intéressant, là, ça demande beaucoup d'indices, hein. Et bon, la cohabitation a pas l'air très très facile, en fait. Non. Ouais, complètement. Et du coup, on découvre aussi par la même occasion le nouveau padawan de Maître Sol, Jackie. Oui, Jackie, qui est interprété par Daphne Keane. Oui, qui est X-13, la fille de Wolverine dans X-23. Dans oui, pardon. X-23, pardon. De Logan. Ouais. Qui, moi, j'aime bien Jackie. Qui, elle, pour le coup, a vraiment l'accent coruscant en anglais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Complètement, ouais. J'aime vraiment bien. Et il y a une scène que j'ai dit que... Enfin, juste, faut que j'en parle parce que quand j'ai entendu ça, mon cœur, il a fondu un peu. Et j'étais un peu content et ça m'a fait un peu de bien. Mais c'est le moment où Vernestra a dit à Sol... Ouais, je me rappelle quand t'étais bébé comme ça, t'étais tout timide, c'était rigolo. Et moi, j'étais dans... Oh, Vernestra ! Voilà, elle est trop cool. Bah, c'est tout pour moi. Je retourne me cacher. Mais j'aime bien, ça me montre à quel point, en fait, quand on me montre comme ça, quand on me montre que les personnages vivent en dehors de l'écran, c'est éminemment plus immersif pour moi. J'arrive dans les personnages, dans l'univers, dans tout ce que tu veux, quand on me montre que des persos se connaissent ou qu'il se passe des choses hors caméra, c'est tellement plus intéressant à suivre. Oui, tout voilà, à fait. Tout. Et du coup, ce que je me disais, oui, c'est rigolo parce que Jackie sait directement que la personne qui va aller en mission avec eux, c'est Yord. Et j'ai l'impression qu'il y a une petite histoire entre eux. Je sais pas exactement quel type, évidemment, mais il y a un vécu derrière. Évidemment, Jackie n'est pas à l'abri de... Enfin, c'est très bien que c'est... n'est pas sans savoir que c'est un sale nerd Yord qui c'est un nulos. Et je pense que Yord a une réputation dans l'ordre. Hein. Le mec, il est arrivé chevalier super tard. C'est vraiment un nul. Et c'est OK parce que c'est cool qu'il y ait des persos comme ça. Mais même si on ne sait pas comment il va évoluer le personnage. Mais voilà, même Jackie qui est tout juste Padawan... Enfin, je sais pas depuis combien de temps elle l'est, mais voilà, elle est pas, elle connaît Yord quoi. Bon, bah Yord c'est Yord quoi. Elle le dit hein, littéralement. Genre console lui dit il y a un problème avec Yord, elle dit non bah, aucun, Yord. Pas de problème. C'est Yord. Et c'est cool, c'est trop cool. Et malgré tout, elle a aussi ce truc de... C'est toujours une padawan. Hein. Elle demande toujours la permission avant de parler et tout. Donc, malgré tout... Oui, elle n'est pas insolente. Malgré tout, c'est toujours un bébé. Hein. Mais une bonne surprise, ouais. Je trouve, ce personnage. Je ne pensais pas qu'elle serait aussi impliquée. Moi, je pense que c'est une des trois personnages principaux de la série. Non, je ne pense pas qu'elle fasse le top 5. Non, mais... On verra plus tard, mais moi je pense que si. Bah, si tu mets Osha, Mei et Sol, ouais. Ça fait déjà 3, Adrien. Bah, moi je pense que c'est Osha, Mei, Jackie que ça va se dérouler. Ça va être un truc comme ça, je pense. Adrien. On verra, hein, mais on verra. Eh, en vrai, pourquoi pas. Mais tout ça pour dire que pendant ce temps-là, tout ne se passe pas très bien dans le vaisseau prison en direction de Coruscant. Qu'il est difficile d'être emprisonné. Ah ouais, du coup, tu voulais parler de ça, vas-y, je te laisse. Ouais, il y a un robot, c'est pas un robot, c'est vrai. Enfin, il y a des robots trop stylés, les droïdes chaises. Vraiment, t'as adoré les droïdes chaises, toi. Ah ouais, les droïdes chaises, c'était trop bien. C'était trop bien. Oh, ils ont des droïdes qui pilotent, puis là, d'un seul coup. Le truc commence à partir en vrille et vous, il se transforme en chaise. C'était trop bien. Et Faucon Minou l'avait fait avant. C'est vrai. Mais c'était pas un transformer. C'était pas un transformer, c'est vrai. Et il y a aussi une espèce de... Alors, c'est un cyborg, lui, pour le coup, je pense. Ouais. Tu sais, qui est un tout chaud avec un truc au niveau des yeux, au niveau de la bouche, au niveau des oreilles. Et c'est trop cool, ce design. C'est putain hyper de merde. 80s, hein, pour le coup. Ouais, ah ouais, clairement. Là, c'est assumé, en vrai. C'est très Star Wars époque 80s. C'est trop bien. Toute la séquence-là, elle fait très... Enfin, t'as le truc qui fait penser à Alien. T'as les punks, entre guillemets, dans la prison, ouais. Qui sont cons comme des chaises. Et t'as ce robot qui... Et ce cyborg qui a l'air de sortir de... Ouais, des années 80. C'est vrai. Même le droïde qui gère la prison, là, qui se fait décapiter, il a ce look un peu Robocop, tu sais. T'as complètement raison, effectivement. Ouais. Je suis dessus, là, et vraiment, même les couleurs, les néons et tout, ça fait vraiment années 80. C'est fou. Ouais. Ouais, j'ai trouvé cette séquence très, très fun. Du coup, les gars, les autres s'en vont. Il s'échappe et c'est un truc que j'ai adoré, c'était la scène suivante, ils sont déjà en prison encore. Oui, c'est vraiment des gros nuls. Vraiment des nulos. Et elle doit se débrouiller un peu toute seule au chat. Et elle essaye d'utiliser la force, mais clairement elle y arrive toujours pas. Oui. Du coup là, c'est un bon moyen de rappeler que... Luke, il est quand même bien badass. Oubliez pas. Hein. Non, mais ouais, mais Luke, Rey et tout ça, ils sont trop forts, en fait. Ouais, ouais. Et ouais. Juste, je pense pas qu'elle était out de l'ordre si longtemps que ça. Elle sait toujours qu'elle peut le faire, mais elle y arrive pas. Elle n'y arrive pas. Et j'aime bien, du coup, cette séquence-là où elle n'arrive pas à utiliser la force. Du coup, elle décapite son droïde. Parce que ça montre à quel point... Non, elle le démonte, c'est tout. Elle le regarde. Elle le démonte. Mais j'aime bien parce que, du coup, ça, je sais pas ce que t'en penses, toi, mais ça m'a fait penser forcément à Fallen Order. Tu sais, justement, quand Kyle, il réapprend à utiliser ses pouvoirs, tu vois. Et c'est cool parce que, justement, il y avait pas mal de gens qui étaient là à dire, ouais, c'est pas logique qu'il n'arrive plus à utiliser la force, c'est bête, c'est pas... Bah, en fait, non, la série te le montre encore. La force, si tu l'utilises pas, bah, tu peux littéralement t'y couper, quoi. Et tu peux ne pas l'utiliser, tu peux ne pas réussir à l'utiliser de nouveau si tu la pratiques pas, quoi. Et c'est trop cool. C'est trop bien. Osha s'attache ensuite au vaisseau et c'est trop marrant. Genre, enfin c'est trop marrant. Non, c'est pas marrant, c'est ce mais qu'il j'aime faut bien faire quand ton avion crache. C'est ça, ouais, complètement. Elle fait des choses bien. C'est ça. Et elle s'en sort. Et il y a un hologramme dans la scène d'après. On a déjà parlé de cette scène-là où c'est la scène où il y a Yord justement. Mais, c'est un peu plus tard, oui. Ah non, pardon, je confonds en fait. Ah si, non, je confonds pas, c'est bon, on y est. Non, c'est juste ouais, après. C'est ça que c'est. Ouais. C'est là techniquement qu'on rencontre Jackie. Oui. Elle est rigolote. J'aime bien Jackie. Voilà. Adrien, il veut parler d'absolument tous les détails, quoi. Mais oui, non, mais désolé, mais c'est vrai que par contre, on a fait même pas. Bah oui, c'est pour ça, moi j'essaye d'aller plus vite et puis toi tu retournes en arrière. Vas-y, pardon. Allez, go. Mais voilà, les Jedi, là, Jackie, Saul et Yord, ils vont sur la planète où elle s'est crashée, d'ailleurs, qui est la planète qui s'appelle Karlak. Qui non seulement ça s'appelle comme le personnage de Baldur's Gate 3, mais en plus c'est une planète qui était déjà apparue dans Clone Wars. Voilà. C'est ça. Encore une fois, hein, Yord, il est complètement débile, et genre, personne, hein. Il y a personne ici. Et direct, Jackie lui dit, mais non, il y a clairement quelqu'un qui était là, enfin, une espèce de teubé. Et ils suivent les traces. Et il trouve Osha, mais Osha qui, juste avant ça, a une espèce de vision de qui ? Ouais. De sa sœur, mais... Tintintin. Sa sœur jumelle. Premier twist. Et non, ce n'est pas un twist qui arrivera loin dans la série, c'est dès le premier épisode. Et tant mieux, en vrai. Voilà. Et ils en parlent dans la... pendant leur trajet, hein, Jackie et Saul, parce que c'est pas dans la file, dans le dossier de Osha, le fait qu'elle avait une sœur et tout ça, le fait que sa sœur est morte, le fait que toute sa famille est morte, techniquement, que sa sœur a fait le feu. Je mets des gros guillemets ici, parce que je pense que c'est ça le truc qui couille. Parce que tout le monde s'accorde à dire qu'elle a provoqué un feu qui a brûlé, qui a tué toute la famille. Est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé ? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'elle serait aussi en colère si c'était le cas. Mais voilà, ça c'est mon avis. Oui, moi je pense que, voilà, t'as tout dit. Et on verra bien. Ils suivent du coup... Osha, et ils finissent par la trouver sur le bord d'un précipice. Elle dit que c'est pas elle, qu'elle a rien fait. Elle tombe. Mais Maître Sol la rattrape avec la force. J'attends que tu dises des trucs, hein, que tu me coupes si t'as des non, choses mais à c'est, dire. J'ai rien à dire. C'est juste une belle scène, je trouve. Et vraiment, Amandela Stenberg, elle est trop forte. Elle joue bien. On a dit que Lee Jung-jae jouait très bien, mais vraiment, ça joue parfaitement bien partout dans la série. Hein. Tout le monde est super content d'être là. Et concrètement, ouais, Amandela Stenberg, quand elle justement elle hurle, elle disait c'est pas moi, j'ai rien fait, ça marche bien, c'est convaincant. Oui, moi j'ai été convaincu en tout cas. Dites-nous dans les commentaires si vous avez été convaincu aussi. Et Osha du coup dit que c'est pas elle et que c'est sûrement May qui a fait ça. Et autre twist. On va pas nous casser les couilles avec des quiproquos. Maître Sol la croix. Ça, c'est bien, en vrai. Lui ça, fait c'est un bien. Gros câlin. Ouais. Oui. Tu sens qu'il est attaché à elle. Hein. C'est ne serait-ce que dans la scène où on voit Jackie, lui, il regarde un hologramme, justement, de Osha. Et, oui. Et vraiment, tu sens que c'est une petite qu'il a adoré superviser à l'époque, quoi. Mais il en parle toujours en très haut terme, hein, en vrai. Il dit qu'elle était dédicated, enfin, tout ça. Il est toujours fier. C'est vrai. Ouais. Je pense. Ouais. Je pense que si c'était lui qui avait décidé, elle serait restée, elle serait un chevalier maintenant. Mais... Ouais, complètement. Mais ouais. Bon. Et du coup, l'épisode finit du coup sur une scène un peu chelou, qui est très très courte, qui arrive un peu comme ça, avec un stranger qui fait un discours, qui en gros, il donne à May le challenge d'arriver à vaincre un Jedi sans utiliser d'armes. Weapon, c'est un peu plus large que arme, je dirais, mais... tout en montrant son arme à lui qui est un sabre laser. Et vous, ça c'est fini comme ça. Premier épisode fini. Je trouve ça bravo, Adrien. Un peu ridicule quand même, la manière dont il sort son sabre, il enclenche le sabre. C'est un peu débile, un peu over the top. C'est exactement comme Maul à la fin de Solo qui allume son sabre laser à travers un hologramme. Ouais. Ça se trouve, c'est un truc du côté obscur, hein, d'allumer son sabre laser pour rien. Que ça va faire. C'est vraiment. Oh, non, mais peut-être c'est une urge, tu sais, genre vraiment. C'est pour ça que Il faut absolument qu'il le fasse, quoi. C'est pour ça que les Jedi, ils ont jamais découvert que Palpatine, c'était le Seigneur Sith. Il allumait pas son sabre laser à la fois. Ah, putain, il avait compris. Chaque fois qu'il discutait. Il avait compris. Il est trop intelligent. Ah, putain, il méritait d'être empereur, finalement. Allez, hop. Bah, franchement, oui. Franchement, si tu avais Palpatine bébé ou Yoda bébé en face de toi, lequel des deux tu tues? Quelle horreur. Quelle horreur. Bon, on va passer à l'épisode de Revenge Justice qui commence directement. Let's go. Sur la planète Olega. Oh les gars. Ouais, tu vas rigoler vraiment. Ça c'est terrible. Parce que quand on regardait, venez regarder les épisodes avec nous, on les regarde le mercredi soir tous ensemble. Et c'est bien comme ça. Moi, je fais des blagues nulles et Adrien, il rigole parce qu'il est gentil. Non, ça me fait vraiment legit rire, en fait. C'est ça le plus important. Ce qui n'est pas mieux, hein. Ce qui n'est pas mieux, voilà, c'est ça. C'est clairement pas mieux. Et sur cette planète Olega, il y a un petit temple Jedi et May arrive, utilise un enfant local pour accéder à l'intérieur du temple et tenter de tuer Maître Torbin. Maître Torbin qui est joué par un acteur qui est très jeune et qu'ils ont vieilli à l'aide d'une barbe un peu rigolote. Clairement, ils l'ont choisi, cet acteur-là, je pense, pour les scènes de flashback qu'on verra plus tard, je pense. Ah oui, c'est sûr. Ouais, c'est sûr et certain. Mais, parce que là, même là, il le laisse pas trop parler et tout. Il est... Parce que qu'est-ce qu'il a fait ? Maître Torbin, il est très spécial. Il a fait le barrage Vao. Alors, barrage Vao, inventé par l'auteur... Comment il s'appelle? Merde. Celui qui a écrit Light of the Jedi. Charles Soule. Charles Soule dans les comics Vader, Darth Vader, qui date d'il y a des années. Ça va bien Enfin, ça va faire, ouais, c'est... Je sais plus. Ça s'est fini déjà, non? Je sais plus. Ah oui, c'est fini il y a longtemps. C'était une série pas très longue. C'était la série. Années, ouais. Et c'est tout, très simple. Très, très simple. Le dernier numéro de cette série, on en a parlé dans le tout premier épisode de Faucon Millennial, parce qu'il y avait une page où les gens croyaient ça disait que ça confirmait, entre guillemets, que Palpatine était, le père de Anakin, ouais. Alors que c'était pas du tout ça, c'était un cauchemar de la Force, etc. Et du coup, c'est vieux comme ça. C'est la fin de ce comic, c'était le début de Faucon Millennial. Et du coup, voilà, ça a pris ses sources à cette époque-là. Ça a été rappelé dans la phase 2 de la Haute République, parce qu'on a rencontré le personnage de Barrache, et Barrache qui est la sœur, du coup, la sœur, entre guillemets, de Porter Engel, qui est dans les phases 1, 2 et 3. Et du coup, le Barrache va, comment expliquer, c'est quand un... C'est comme si tu faisais vœu de pénitence en termes catho-chrétien, machin, truc. Tu sais que tu as fait quelque chose qui n'allait pas et tu fais pénitence. Tu n'es plus considéré comme un Jedi jusqu'à ce que tu décides que tu peux réparer ton erreur. Et lui, il le fait d'une manière très intéressante, c'est qu'il... Et en méditation constante. Ouais. Il force. C'est tellement stylé. Il force, mais à devenir un mime pendant quelques instants. Non, mais je le disais justement lors de notre visionnage mercredi dernier. Mais en fait, là, avec cette scène où juste lui, il est en tailleur en train de méditer et elle qui se vénère devant à essayer de le taper. Mais c'est une scène d'action qui fonctionne très bien, dans laquelle il y a un personnage qui ne bouge pas. Qu'on vient de me dire qu'on ne peut pas intégrer de personnages handicapés, peu importe le handicap, dans les trucs Star Wars. Ça marcherait, la preuve. Là, il y a un mec qui dort et qui arrive à se battre. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi pas mettre quelqu'un d'immobile? Parce que tu peux faire quelqu'un qui peut le faire. Bien entendu. Mais là, c'est un extrême, tu vois, pour te montrer que voilà, bon, on peut, enfin, je veux dire, la représentation, le manque de représentation, pardon, est un choix politique. Oui, bon, oui. Bon, bah, oui. C'est vrai. Et voilà, coup, j'aime bien, parce qu'elle est nulle à chier, encore une fois, mais c'est trop drôle. Elle n'arrive vraiment pas à le toucher. Oui, elle est obligée de repartir brecouille, comme disent les inconnus. Putain. Oh, c'est très putain de merde. Oh la vache, on a 1000 ans. Hein. Oh la vache. et du coup, Sol, Jackie, Yord et Osha sont envoyés pour investigater cette... Pardon. Investigationner. Ah, merci, oui, pardon. Cette attaque, Adrien. Absolument. Du coup, ils y vont et ils disent ça correspond plus ou moins à la personne qui aurait tué Master Indara, puisque bah, du coup, la gamine reconnaît Osha, qui était oui. Donc qui est arrivé dans le jeu. Oui, encore une fois, hein, Osha se reconnaître par quelqu'un. Mais bon, cette fois-ci, c'est logique que l'enfant soit là, quoi, ça. Ils l'ont pas ramené à travers la galaxie pour dire « Est-ce que c'est bien elle ?» Oh là là, pardon. Donc, voilà. Et je trouvais ça cool de voir un autre temple Jedi, parce qu'on en voit assez rarement spécial, des temples Jedi dans les trucs live. Et celui-ci est spécial. Ils sont tous spéciaux, les temples Jedi. Mais c'est cool, parce qu'on voit enfin un autre temple qu'au Coruscant. Un peu fauché, celui-là. Mais ouais, ils ont pas beaucoup de thunes, oui, sur les gars. C'est quelque chose qu'on voit un peu. T'as rigolé, Adrien. Ah, mais ça me fait rire tout le temps, maintenant. C'est ta faute. Les gars, on n'a pas de thunes, ici. On voit plein de petites antennes Jedi à travers la galaxie enfin on les voit pas physiquement, mais dans les romans de la Haute République, justement, et du coup en voilà un. avec des Jedi qui sont pas très doués, hein, on va pas se mentir. Hein. Ils sont pas... C'est pas le haut du panier. C'est vraiment des gros cons. Non, mais ils se sont vraiment dit... Ouais, il y a quelqu'un qui a essayé de s'infiltrer et qui s'est baladé, et genre, c'est pas cool. Et ces connards-là, ils laissent la fenêtre ouverte, quoi. Mmh. Parce qu'elle, mais elle re-rentre à l'endroit où elle est partie, quoi. Elle fait ce qu'elle veut, en fait. Mmh. Oh, voilà, ils sont nuls. Oui, ils sont nuls. Et pendant ça, juste en face, il y a May qui réveille... Qui réveille... Qui... Mir... Qui Mir... Bon, d'accord, Adrien. Ouais. Réveille... Non, pas, non pas, pas cette fois-ci. Elle réveille Kimir, qui est joué par Manny Jacinto, qui est très joli. Voilà. Oh là là. Là, c'est et, pas... Et... C'est... Oh. Il est, j'aime beaucoup le personnage, personnage qui nous a été vendu d'une certaine manière, mais qui, j'ai l'impression qu'il y en a plus que ça sous la surface. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré avec ce que proposait Manny Jacinto là, dans les quelques scènes qu'il a dans cet épisode, c'est qu'il arrive à, il fait pas ce que beaucoup de personnes, je pense. Quand quelqu'un a un rôle qui est très, très... comment dire quand quelqu'un est connu par un rôle, les gens ont tendance à associer le rôle à la personne. Et du coup, je pense que beaucoup de monde s'attendait à un peu un Jason Mendoza type. Mais pas du tout. Il est vraiment... Il est comme si quelqu'un qui est bien plus dark que Jason... faisait semblant d'être Jason, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi je sens le coup fourré. Hein. Ouais, oui, il y a des chances. Ils discutent un peu tous les deux. Avec May. Et elle lui donne. Et il est beau, t'as raison. Et il est beau. elle lui donne du coup pour tuer Master Torbin une fleur. Une fleur, c'est ça, hein, c'est une fleur. Qu'elle lui donne pour faire un poison spécial qu'on apprend plus tard qui est un poison que May et Osha avaient appris à faire dans leur enfance sur leur planète natale de Brendok. Et d'ailleurs une blague sur Brendok, Grushkov, non? Comment? Une blague sur Brendok, un jeu de mots, non? Non, pas encore. Brendok Hux, parce que le père de Hux s'appelait Brendol. C'est le même... À une lettre près, littéralement. On enchaîne, on revient au jeu. Bon, voilà, c'est toi qui me force, là. Que se passe-t-il? Du coup, il lui prépare le poison et elle y retourne. Elle y retourne au chat, c'est ça? Quand elle est au chat, il retourne. Mais ou et, au chat? Il retourne, mais de la même manière, quoi. Et c'est trop marrant, ils sont vraiment nuls. Et du coup, elle lui tend le poison en disant hey, « Hé, frère, réveille-toi, tu peux mourir si t'as envie. » Et lui, forcément, il saute sur l'occasion. Elle lui dit qu'il peut tout révéler au Conseil Jedi ou mourir, et il s'excuse, Osha... La dernière phrase qu'il dit, c'est « On pensait faire on pensait qu'on faisait les bonnes choses, quoi. Oui, voilà. On pensait qu'on faisait la bonne chose. Oui. Donc, c'est qu'ils ont merdé. Hein. C'est pour ça que je te dis que, voilà, à mon avis, Indara, Kanaka, Sol et Torbin, à mon avis, ils ont tous des choses à se reprocher. Et c'est pas vraiment des gentils Jedi, quoi. Peut-être, enfin. Ouais. On verra, mais ça va être intéressant. Je pense que ça va être très dur quand on va découvrir ce que Sol a fait. Ouais. Parce que lui-même, du coup, il a quelques petites discussions avec Osha, hein, par rapport à ça, par rapport au fait que de pas... De laisser le passé passer. et de pas penser que... Enfin, rester culpabilisé, pardon. Par rapport à ça, et je pense que il a une bonne raison de culpabiliser. Une mauvaise, très mauvaise raison. Je vois ce que je veux dire. Ouais, t'inquiète. Mais en tout cas, ouais, du coup, la scène, il meurt, et du coup, Auchin arrive par ici, juste par hasard, après, et du coup, tout le monde l'accuse. Mais Yord est là, cette fois-ci, pour dire, non, non, je l'ai espionné, je l'ai suivi, elle a rien fait, Auchin est innocente, c'est bon, c'est... Parce que c'est le seul qui faisait attention à elle quand ils étaient en train de... Mais ouais, mais en vrai, c'est assez curieux comme scène. C'est curieux comme scène, et c'est là où je me suis dit... le petit Yord, peut-être qu'il y a... Je me méfie de lui aussi, concrètement. Voilà. Je sais pas si ça va être le grand méchant, mais... C'est un Jedi tradi, hein. Je pense... Ouais, bien sûr, il est tradi, mais en même temps, la manière dont il la suit, la manière dont... Et moi, je pense que ça peut devenir un antagoniste. Ouais. Oh, tu penses ? On verra, hein. On verra, je sais pas. Mais en tout c'est, cas, c'est oui, une piste. Il la défend avant que ça reparte en quiproquo un peu trop long et embêtant. Et elle reconnaît le fait que c'est le poison de quand elle était jeune. Ouais. Et qui est du coup un indice de plus vers May, quoi. Évidemment, voilà. Là, franchement, s'ils avaient des doutes, et il y en a plus aucun. Et ça leur indique que. C'est comment ça s'appelle hein, que c'est l'épicier local, voilà, qui aurait pu donner ça. Voilà, on va c'est dire ça, l'épicier parce... local, mes couilles. Pardon, j'arrive pas. C'est ça, Kimir, il s'appelle. Non, mais non, justement, normalement, c'est pas Kimir. Il est pas censé être là. Ah oui, c'est vrai, justement, t'as raison. Les oui, Jedi ça, disent ouais. c'est là-bas qu'on récupère toutes les herbes, les trucs comme ça, les conneries. Mais ce gars-là, c'est un nouveau. Et du coup, Yord c'est pas notre dealer arrive habituel. Avec un... Comment ? C'est pas notre dealer habituel, celui-ci. Ouais, c'est ça. Attends, c'est pas lui qui me donne ma weed d'habitude. et du coup, Yord propose un plan à la Yord avant que Jackie utilise son cerveau et propose du coup d'envoyer Osha pour faire semblant d'être May pour pouvoir soutirer des informations à Kimir. Qui est un très ouais. bon plan. Et du coup, ils envoient Osha faire ça. Je pense que Kimir, il grille seconde une. Que c'est pas May. Il la voit et ça direct, voit. Il le sait. Ouais. Direct, il le sait. Et alors, ça qui est très, très intéressant. Et c'est ça qui me fait comprendre, qui me fait penser qu'il y a plus de choses sous la surface parce qu'il leur donne quelques informations qu'il a envie qu'ils sachent. Et il leur révèle même mais le fait tout, que, ouais. Du coup, voilà, elle est après 4 Jedi qui... 4 Jedi spécifiques. tout simplement. Et, C'est ça. Et ouais, du coup, c'est... Oh, il est trop fort. Et vraiment, moi, je trouve que Manny Jacinto dans The Good Place, je l'aimais bien, mais c'était loin d'être mon personnage préféré et je trouvais que le perso... était pas le plus intéressant et surtout je trouvais que mais là bientôt je le vois avec cette série en fait je trouve que le perso lui rendait pas forcément hommage au talent de l'acteur qu'il est et là on peut vraiment le voir pour le coup être à fond dans son rôle et il est trop fort en fait c'est vraiment un trop bon acteur en fait Manny Jacinto il est trop trop balèze. Et c'est fou qu'on je l'ai pas vu dans d'autres rôles que ça parce que vraiment moi dans ma tête c'était vraiment Jason Mendoza quoi et tu vois, qu'est-ce en que fait tu il est tellement plus ouais. qu'est-ce que je disais et d'ailleurs il leur dit que normalement mais elle est censée revenir le soir et il les laisse un peu tendre un piège je trouve ça aussi très intéressant ouais. Et du coup, dans la soirée, May vient, il y a le piège, bagarre contre Sol. Encore une fois, encore plus intéressant que Maître Indara, parce qu'il arrive à la dépouiller sans qu'elle s'en rende compte pendant la bagarre. Et c'est pareil, il sort pas son sabre. Non, pas du tout, lui, par contre. Est-ce qu'on a vu la couleur de son sabre ou pas encore ? Non, pas encore. Non. Hein. On l'a vu dans des c'est bien dans, ce que je dans de la promo, mais pas encore là. Et d'ailleurs, dans la promo, on l'a vu dans un contexte très spécifique qui, je ne sais pas quand ça arrivera, mais c'est limite genre, oui, là, effectivement, dans de telles circonstances, évidemment, il sort son sabre, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ah, c'est fou. Et le combat est stylé. À un moment donné, genre, elle donne un coup, elle se retourne, et lui, il est déjà là. Il est déjà derrière. Et c'est tellement stylé. Ça fait très animé. Ça fait plaisir. Ouais, mais vraiment, c'est un shonen, cette série. surtout les combats, oui, ça, c'est sûr. C'est trop bien. Non, mais c'est trop de la balle. Oui, un truc qu'on n'a pas dit, c'est que Osha, elle est toujours persuadée que c'est Mai qui a tué sa famille. Et d'ailleurs, pour l'instant, techniquement, on n'a rien qui nous fait dire le contraire. Mais du coup, Mai... Oui, c'est vrai. Osha, pardon, elle attend derrière. Et Mai arrive à se sortir de ce pétrin. Parce que quand elle s'apprête à prendre le dessus sur Sol, il y a Yord qui intervient, et après, il y a Jackie qui arrive en hélico, là, rendez les armes, vous êtes vous êtes entouré, je sais plus quoi, dans son hélico avec ses projecteurs. Elle a attendu de faire ça toute sa vie, quoi. Elle est trop contente d'être là, quoi. Et c'est vraiment... Mais Jackie, tu sens qu'elle veut être Jedi, quoi. Et malgré tout, mais elle arrive à s'enfuir. Et elles se voient, les deux sœurs, un moment très intense. Et ouais. Osha rate son tir. Mais Osha tire sur sa sœur déjà, ce qui est fou. Je pense pas. Oh, c'est un stun gun. Elle n'arrive pas, à tirer dessus. Ah ouais, tu penses qu'elle a raté intentionnellement ? Malgré tout, elle n'y arrive pas. Enfin. Ouais. Et. Elle s'enfuit, elle arrive à s'enfuir, mais... Et elle revient toujours au même endroit, hein, plus tard. Elle revient au même endroit et elle... Et elle chope Kimir par le col alors qu'il est en train de regarder si les Jedi sont en train de le surveiller ou pas. Et là encore une fois, il est dos au mur, littéralement. Et oh tiens, j'ai justement ce que tu voulais. Je sais où est Kelnaka. Comme par hasard. Absolument. Hein ? C'est fou. Ouais, c'est vrai que c'est fou. Intéressant. Ouais. Ouais. Mais voilà, en attendant, Kelnaka serait sur la planète Kofar, un peu en hibernation. On sait qu'on y est. On sait pas trop. Tu peux nous dire ce qui se passe avec Kelnaka ? Eh bien, Kelnaka et Shrek. Kelnaka et Shrek, cassez-vous de mon marais. cassez-vous de mon marais, parce qu'il y a... Mais c'est vraiment le début de Shrek, hein, pour le coup. Oui, il arrive dans son marais, et deux mecs qui arrivent dans son marais et qui voient un reste de vaisseau, qui disent « Oh, on va dépouiller ça et on va se barrer et tout. » Et en fait, genre, vraiment, t'as un gros Wookie qui arrive derrière eux en mode « Cassez-vous de chez moi !» Qui pète leur blaster. Eux, ils essayent de leur tirer dessus, mais lui, il utilise la force et il explose les blasters. C'est trop drôle, genre. T'as vraiment ce côté, genre, putain, mais cassez-vous de chez moi, putain. Il leur gueule dessus, quoi. Et du coup, le mec se barre en courant, et puis lui, il est trop deg. Il lève le bras, il fait cassez-vous, putain. Et puis, non, c'est trop drôle, c'est vraiment trop bien. Et on voit un Jedi Wookiee pour la première fois en live action. Il est à poil, d'ailleurs. Et il est à poil, c'est ça. Je pense qu'il était parti faire caca quand ils sont arrivés. C'est littéralement Shrek. On peut même bûcher tranquille dans cette planète. Et ça finit encore une fois sur cette petite scène un peu out of nowhere. Et voilà. C'est la fin de l'épisode. Désolé, on est allé. J'ai essayé d'aller plus vite pour l'épisode 2, mais je sais pas si j'ai réussi. Non, mais on a été très long. Et en même temps... En même temps, il y a beaucoup de choses à dire quand même. Hein. C'est voilà. Et puis la semaine prochaine, on ira plus simplement parce qu'on aura un épisode. Un seul à faire. Épisode. Aujourd'hui, on avait deux. Voilà, donc c'est normal que on ait mis 8 ans. Ouais. Et du coup, mon cher compère, pour conclure là, je vais te proposer de finir en parlant de 3 choses dans ces épisodes qui t'ont marqué, que ce soit les personnages, l'écriture, la réalisation, décor, quoi que ce soit. Oh, quelles sont les 3 choses que tu retiens de ce visionnage, Tu peux faire... T'es pas obligé de faire 3 par épisode, hein. 3 sur l'intégralité du... Ouais, sur les 3. Sur les 2, ouais. Du truc. J'irais... perso débile comme j'aime. J'irais... la réalisation de Leslie Adlen qui est trop contente de faire un Star Wars et qui arrive à mettre sa patte quand même, hein, parce que concrètement, c'est du Leslie Adlen tout craché. Et un autre truc que j'ai aimé, moi c'est compliqué parce que j'ai vraiment tout aimé, mais moi j'aime bien l'idée de refaire, de repartir sur des Twins. Voilà. C'est vrai que c'est très Star Wars, ça. Hein, et Twins. Bah ouais. Ouais. Et c'est cool. Et toi, du coup ? Moi, je vais dire oui. La balance des tons qui est très bien gérée, je trouve. L'humour est toujours bien. Le côté un peu plus sombre fonctionne très très bien. Et même les moments plus légers, qui sont pas forcément humoristiques, fonctionnent bien aussi. Il y a une très très bonne alchimie entre tous les personnages. Pour l'instant, il n'y a personne, je trouve, qui n'est pas forcément à sa place. Et agréablement surpris par principalement les Jackie, Maître Sol et Kimir. Je ne m'attendais pas du tout à ces rôles-là pour eux et je trouve que... pour l'instant, ça commence très très bien. Voilà, ça fait 3 choses. Ouais. Non mais je suis... Voilà, tu as entièrement raison. Un petit truc dont je vais pas parler, c'est que... un petit truc qui est... Je me demande si ça sera là dans les autres épisodes. Les transitions en volet, des fois, elles avaient un peu aucun sens. Il y en a beaucoup dans les épisodes. Moi, j'aime... Et il y en a quelques-uns qui... Genre, t'as une transition d'un endroit à l'intérieur d'une même scène, d'un endroit à un autre, en volée, et puis après, ça revient à l'autre endroit, et ça revient. Et cette fois-ci, il n'y a pas de transition en volée. Enfin, c'est un peu bizarre. Des fois, il y a des endroits où c'était pas nécessaire. Mais le fait qu'il y en ait, en général, évidemment, c'est toujours bienvenu, je trouve. Et c'est tout. Moi, j'adore, ouais. Pour cette semaine. On se retrouvera donc la semaine prochaine pour discuter de l'épisode 3 de The Acolyte. On remercie chaleureusement, avec énormes bisous complètement baveux, Clara, Anthony et Adrien pour leur soutien sur Patreon. Vous pouvez nous rejoindre, le lien est toujours dans la description, partout. Et on vous souhaite une bonne chance et n'oubliez pas, la paix est un mensonge. Ciao. Je sais pas pourquoi j'ai dit on vous souhaite bonne chance, d'ailleurs. Parce que la vie est dure, gauche coiffe. C'est ça. C'est important. Non, mais tu as raison. Tu as raison. Bisous. Bye. Bonjour, je suis T1BB, droïde de protocole à bord du Faucon Millennial. N'oubliez pas de suivre le podcast sur Instagram et Patreon pour encore plus de rigolades. Bisous. J'écris bonne chance. Non mais c'est important, tu as raison, tu as raison.